Mes poules. Le lendemain est un grand jour. Barbara a mis au monde 3 bébés. Barbara est une de mes 5 poules. Je la laisse tranquille depuis 2 semaines pour qu'elle couve ses œufs. Bien m'en a pris, car j'ai eu la bonne surprise ce matin en ouvrant mes volets. C'est marrant, ces petites boules de duvet qui sortent à peine de leur coquille et qui marchent déjà. Un peu malhabiles, certes, mais bel et bien debout sur leurs petites pattes. Barbara s'agite au milieu du fruit de sa couvée. Elle doit être fière, enfin je pense, car, même en observant attentivement mes poules, j'arrive mal à décoder leurs sentiments. De mon point de vue d'homme, elles me semblent peu concentrées sur la vie, comme si elles avaient été pourvues d'un cerveau trop étroit pour pouvoir maintenir leur attention sur quoi que ce soit pendant plusieurs secondes de suite. Un peu comme moi quand je n'ai dormi que 2 ou 3 heures. Elles poussent quelques petits cris quand j'ai récolté les œufs ou quand je leur apporte leur nourriture à base d'épluchures de légumes et de graines, et je crois que j'assiste alors à la seule manifestation journalière de leur intelligence. Mais je me méfie de moi et des interprétations hâtives de ce genre. Je sais qu'un être humain analysant une réaction animale ne peut s'empêcher de la comparer à ses propres agissements d'Homo sapiens sapiens. Il y a une raison à cela. Étant donné que nous éprouvons une majorité de sentiments bestiaux, on se dit qu'après tout, ça pourrait aussi bien marcher dans l'autre sens. On appelle ça de l'anthropomorphisme dans les revues de l'OLEC. Je me demande si mes poules discutent entre elles de mon crétinisme achevé. J'ai appelé mes 5 pondeuses Barbara, Priscilla, Christina, Florinda et Roberta. J'ai décidé de faire terminer tous leurs prénoms par un A, car je trouve que ça va bien aux poules. En levant un sourcil, Aimé m'a dit qu'il ferait part de cette réflexion linguistique élaborée à sa copine Alexia, ce qui nous a bien fait rire. La race de mes poules s'appelle Cou Nu. Comme leur nom l'indique, elles sont pourvues d'un cou glabre qui les rend, je dois dire, assez moches. Elles présentent cependant l'avantage de chanter peu, particularité très utile pour éviter les relations conflictuelles avec les voisins et par là même me tenir à l'abri de leurs visites qui, comme je le précisais, me mettent toujours dans l'embarras. J'ai construit pour mes poules un enclos de 3 mètres sur 10 derrière la maison. Sur les côtés, j'ai disposé du grillage, solidement accroché à des poteaux en fer régulièrement espacés. J'ai enfoncé le bas de la clôture de plus de 30 cm dans le sol pour éviter que les renards ne creusent un tunnel débouchant dans l'enclos et ne dévorent mes poulettes. J'ai également confectionné une sorte de plafond entièrement grillagé pour empêcher les prédateurs aériens de fondre sur mes pondeuses. C'est avec l'expérience que j'ai appris toutes ces techniques. Quand le renard est passé il y a quelques années, il n'en a laissé qu'une, et un gros trou dans le sol. Quand une buse ou un aigle ou un autre rapace quelconque que je n'ai pas aperçu est venu m'en prélever une pour son dîner, je n'ai rien compris. Je les ai comptées, recomptées, j'ai cherché vainement celle qui me manquait dans tous les coins pour en conclure, après de multiples interprétations pas très concluantes, qu'elle avait dû escalader le grillage, pourtant haut de plus de 2,50 m. Je me suis dit, elle ne s'est pas envolée quand même. Eh bien si, mais pas de son propre gré. J'ai compris la chose en étudiant un ouvrage spécialisé que Danka a emprunté pour moi à la bibliothèque. Heureusement que ces poules-là ont disparu à l'époque où je ne leur donnais pas encore de prénom, je crois que ça m'aurait beaucoup plus chagriné. On ne devrait jamais nommer ces enfants. Dans l'enclos, j'ai disposé un grand bac d'eau pour la boisson, ainsi que du sable grossier dans une mangeoire. Les poules en consomment un peu chaque jour pour broyer leurs aliments et aider à la digestion. Au fond, j'ai construit une petite cabane bien abritée du vent et de la pluie, dans laquelle j'ai étalé de la paille pour qu'elles puissent pondre tranquillement. Je suis obligé de nettoyer souvent leurs déjections pour que nous vivions tous dans la propreté. Je leur dois bien ça. Elles me régalent de leurs bons œufs tous les jours. Dans la cabane, j'ai également construit un perchoir en bois, car la poule, par instinct, a besoin de s'isoler du sol pour échapper aux prédateurs. Même si, protégées comme elles le sont chez moi, elles ne craignent plus rien. Le simple fait d'apercevoir le perchoir les met en sécurité. C'est atavique. Je les comprends, car nous aussi, les êtres humains, sommes sans cesse en recherche de sécurité. Le perchoir des poules, c'est le 4x4 des hommes. Elles n'en ont pas besoin, mais on ne sait jamais. À ce détail près que les poules ne peuvent pas frimer avec leur perchoir. Bien sûr, je ne peux pas garder tous mes poussins. Il y aurait trop de monde dans mon poulailler. et je tiens à ce que mes poules soient à l'aise. Je ne veux pas leur faire subir le sort des poulets élevés en batterie, martyrisés depuis leur naissance. Moi, je vis bien. Je suis élevé plus ou moins en liberté par la société des hommes. Un jour, la faucheuse va me tomber dessus et je mourrai. Imaginons que je rende l'âme d'un coup sec. Clac ! Je ne m'apercevrai de rien. Qu'importe que plus tard je finisse dans l'estomac de mon voisin. Les animaux devraient profiter des mêmes avantages que nous. Si je faisais partie intégrante de la société, je me révolterais à grand fracas, avec force, gesticulation et autres cris d'orfraie, pour que les tortures animales cessent. Mais, n'ayant pas été adopté, je pratique la révolution en sous-main. Et c'est pourquoi, quand une faim coupable d'animal me vient, je précise toujours à Aimé. « C'est du bœuf fermier, au moins. » Ce à quoi il me répond invariablement. « Mais bien sûr, Miloche. Tu me prends pour qui ?»